Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. L'environnement est un vaste sujet qui aborde autant la pollution de l'air, de l'eau, le bruit, la biodiversité, la destruction des milieux humides, etc. Et on aborde souvent l'environnement sous toutes ses coutures, mais rarement du point de vue de la sociologie. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Louis Guay. Il est professeur au département de sociologie à l'Université Laval et membre de l'Institut en environnement, développement et sociologie également à l'Université Laval. Et il a écrit un livre paru cet automne aux presses de l'Université Laval, un livre intitulé « Les enjeux sociaux de l'environnement, des problèmes aux actions ». Bonjour, Monsieur Guay. Bonjour, madame. Alors, c'est un vaste contrat que vous vous êtes donné avec l'écriture de ce livre. Et c'est vous qui m'avez donné un vaste contrat de répondre rapidement à toutes vos questions. Bon, on va essayer de faire ça du mieux qu'on le peut. Alors, comme je le disais, en introduction, quand on parle d'environnement, bon, on passe par exemple, on pense à la concentration de nitrate dans un cours d'eau, au smog en ville, aux espèces menacées comme le caribou forestier. Donc, des choses assez pointues, assez concrètes, et on ne pense pas sociologie. Alors, j'ai envie de vous demander quel est le mode d'action de la sociologie? Comment la sociologie étudie les sujets environnementaux? La socio est venue assez tardivement, d'ailleurs, aux questions d'environnement. Elle se disait, c'est pas de notre sort, ça appartient aux sciences de la nature, aux sciences appliquées de la nature. Mais finalement, à partir des années 70, assez massivement, dans beaucoup de départements de sociologie, beaucoup de sociologues, même dans la pratique, des praticiens, se sont intéressés à l'environnement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient devant eux des groupes organisés qui manifestaient en faveur de la défense de la nature ou de la protection de l'environnement. Ils étaient de plus en plus organisés et avaient des revendications de plus en plus précises, pas seulement faire prendre conscience des problèmes, mais essayer d'avoir une influence sur les décideurs politiques et privés dans certains cas pour qu'on agisse en matière d'environnement et je dirais pas faire disparaître les problèmes, mais au moins les atténuer. Donc, il y a eu ça qui a été un élément déclencheur. Ensuite, à peu près en même temps, on s'est mis à s'interroger à savoir comment les gens se situent face à l'environnement. Et puis, graduellement, on s'est aperçu que les valeurs changeaient, un peu plus post-matérialistes que matérialistes, un peu plus centrées ou tournées vers l'environnement. Et donc, ça a donné lieu au sein de la sociologie à toute une série d'études qui se poursuivent encore aujourd'hui autour de ces deux choses-là, représentation de l'environnement, ses problèmes et sa nature, ça je peux dire, mais aussi les mouvements qui s'organisent, mouvements sociaux, groupes écologistes, organisations de la société civile, tant au niveau international que national, en faveur de l'environnement. Évidemment, le sociologue ne peut pas statuer sur la nature des connaissances en environnement, mais ça, sur quoi il peut statuer, au moins étudier, c'est quels sont les rapports entre ces problèmes, différents problèmes, locaux, mondiaux, etc., et des groupes sociaux, des sociétés, les êtres humains en général. Donc, c'est un peu difficile de parler de tous les êtres humains en général, mais des groupes sociaux particuliers qui se mobilisent, s'organisent, revendiquent, proposent des solutions, etc. C'est là où la sociologie intervient. Et je pense qu'elle a fait valoir ce point de vue qu'il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de l'environnement. Ils lui ont fait valoir, si je peux dire, avec des études précises, en regardant les groupes, en regardant ce qu'ils faisaient, les actions qu'ils faisaient, les effets que ça pouvait avoir, et aussi, bon, mais s'il y avait dans la population des changements de valeurs, il y a des sociologues américains qui ont parlé d'un nouveau paradigme écologique qui remplace les anciens paradigmes plus matérialistes, plus orientés vers la conquête de la nature, vers le développement économique, etc. D'accord, donc on voit que c'est quand même assez vaste et que s'il y a une fonction un peu d'observation, comment finalement les groupes environnementaux s'organisent, comment la société essaie de prendre en compte tous ces sujets d'environnement. Vous entrez dans votre livre avec, en décrivant un peu diverses approches de la sociologie en environnement, comme par exemple l'écologie humaine, l'écologie politique, la modernisation écologique. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un bref aperçu de ce que sont ces approches. Je vais y aller assez rapidement. Je pense que je vais commencer d'abord par l'écologie humaine, parce que ça semble contradictoire avec la sociologie. Une approche d'écologie humaine en sociologie, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement, c'est qu'à un moment donné, on enseigne la sociologie, qu'un peu comme je le disais, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des changements de valeurs, des changements de modèle culturel, et que le modèle traditionnel moderniste, conquête, domination de la nature, est en train de s'effriter autour des enjeux environnementaux, autour des problèmes de l'environnement. Et donc, c'est par ce biais que l'écologie humaine est en train, en disant, mais on n'a pas, les êtres humains et les sociétés humaines ne sont pas au-dessus de la nature, mais sont imbriqués dans la nature ou dans l'environnement, dans des environnements. Et ce qui nous le fait voir avec force, ce sont l'ensemble des problèmes environnementaux qui confondent les êtres humains, les sociétés humaines, les groupes humains. Donc, l'écologie humaine a démarré autour de cette idée. Il fallait peut-être revoir le paradigme sociologique traditionnel et puis aller vers une sorte d'équilibre entre l'environnement, les environnements et les sociétés humaines et de regarder quels étaient les changements de ces côtés de rapport. Parce que dans le fond, la sociologie s'intéresse au rapport entre les êtres humains, les sociétés et l'environnement. L'écologie politique, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle va mettre de l'avant davantage de conflits sociaux autour des ressources, autour de l'environnement, autour de certains enjeux et problèmes d'environnement. Les groupes s'organisent, souvent c'est en opposition avec une administration, des décideurs publics ou des décideurs privés, pour revendiquer certaines choses, traiter des questions environnementales et tenter de les résoudre. Ça, c'est l'écologie politique. Il y a différentes échelles à laquelle on fait de l'écologie politique, très locale, un conflit local sur une pollution riveraine, par exemple, ou à l'échelle internationale, sur des grands enjeux comme sont la biodiversité, les changements climatiques ou d'autres enjeux qui mettent en péril, par exemple, beaucoup d'écosystèmes. La forêt, c'est quand même un grand système, un grand espace, et à travers les forêts, il y a beaucoup d'enjeux sociaux qui apparaissent. C'est ça, l'écologie politique. Le point focal, je dirais, c'est le conflit. Mm-hmm. Comment le conflit naît, se développe et conduit à des solutions, à des prises de conscience et à des actions et solutions, et comment ça entretient des manifestations, des revendications si les solutions ne sont pas appropriées. La modernisation écologique, quand c'est arrivé en sociologie, qui avait plutôt eu tendance à adopter l'écologie politique et l'écologie humaine, donc les contraintes environnementales d'une part, les conflits autour des enjeux environnementaux, est arrivé et a dit, peut-être que le monde moderne, à travers au moins deux de ces grandes institutions que sont l'État et d'autre part le marché, mais éventuellement on a ajouté aussi la science et la technologie, peut prendre en charge les problèmes environnementaux et introduire une rationalité économique dans ses propres pratiques, la société moderne, et faire en sorte que, sans faire disparaître tous les problèmes, on aborde ces problèmes sérieusement avec les outils, je dirais, de la modernité. La science, la connaissance, la technologie, l'État et le marché. Et cette modernisation économique, écologique, pardon, nous est venue de surtout les pays de l'Europe du Nord, Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie, jusqu'à un certain point l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Quand c'est arrivé aux États-Unis, les sociologues ne savaient pas trop comment réagir face à ça. Puis finalement, à partir d'études, à partir de preuves, en quelque sorte, qu'on a accumulées, qui ne sont pas toutes les preuves qu'on désirait, on s'est rendu compte que peut-être qu'il y a un processus de modernisation écologique qui est en train de se mettre en branle. L'État intervient beaucoup dans les politiques publiques en matière d'environnement. Même les entreprises commencent à parler de développement durable, protection de l'environnement, etc., etc. Et donc, la modernisation écologique, c'est un peu ça. C'est plus une thèse qu'une théorie, parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment accumulé de preuves, mais c'est une tendance. À la fois, je dirais, théorique, on réunit ensemble les faits, mais aussi empirique, on fait des études approfondies sur certains processus de modernisation écologique. Très bien. Il y en a deux autres sur lesquels je ne reviendrai pas, mais une chose qui est importante en sociologie, je pense, de l'environnement, c'est l'analyse des controverses environnementales. Ça peut s'appuyer sur un conflit, mais ça porte davantage sur les idées, les représentations, l'élément de discours qui oppose différents acteurs sociaux. Mais je n'irai pas plus loin là-dessus. Ben dans le début de votre livre, vous présentez donc ces différentes approches. Ouais. On a parlé de trois, mais effectivement, il y en a plusieurs. Mais ensuite, dans le livre, vous développez dans plusieurs chapitres des thématiques plus concrètes, comme la foresterie, la gestion de l'eau, l'urbanisme, etc. Et là, j'ai envie de vous demander de nous mettre un petit peu de concret. Donc, par exemple, prendre la foresterie, par exemple, et de mettre un petit peu de concret en montrant comment se sont développées les approches que vous venez de décrire, d'autant plus qu'il y a quand même justement eu des conflits au Québec sur la gestion forestière. Donc, c'est peut-être un bon moyen de nous présenter concrètement comment se développent ces courants sociologiques. Dans le cas de la foresterie, la sociologie est même venue assez tardivement au conflit forestier. Souvent, ce sont les ingénieurs forestiers eux-mêmes qui étudiaient les conflits, les demandes de participation, s'intéressaient aux mécanismes de participation qu'on pouvait avoir en foresterie pour faire en sorte que différents acteurs participent à la recherche d'une solution pour régler des problèmes. On y est venu en sociologie. Beaucoup plus dans l'Ouest, d'ailleurs, soit dit en passant, qu'au Québec. Il y en a quelques-uns qui sont intéressés parmi les sociologues. Il faut dire que des ingénieurs forestiers, collègues en génie forestier, qui, sans avoir une formation sociologique, se sont quand même intéressés à la dimension conflictuelle, participative, gouvernance de la forêt. Et donc, empiétaient, bienvenue à vous, sur la sociologie, mais de manière fructueuse, de manière à apporter quelque chose. Donc, on est venu tardivement. Mais ce qui nous a beaucoup intéressés, les sociologues, enfin, plusieurs choses nous ont intéressés, mais la plupart des gens que je connais, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance, c'est la participation publique. Plusieurs de mes étudiants ont fait leur thèse ou leur mémoire dans ces deux champs-là. Qui participe? Comment on participe? Est-ce que la participation a des impacts? Et est-ce qu'elle a une influence sur la gouvernance? Souvent, on distingue gouvernance et gestion. Gouvernance étant plus les grandes orientations qu'on donne à une politique ou à un ensemble de pratiques, la gestion, c'est la mise en œuvre, etc. Donc, plusieurs de mes étudiants se sont intéressés à ça. Moi, de notre côté, ce qui m'intéressait davantage, c'est de voir comment les idées changeaient dans la gestion forestière ou dans l'aménagement forestier. Et en lisant, en interviewant, en suivant un peu le débat, je me suis rendu compte qu'une idée centrale qui est apparue peut-être d'abord aux États-Unis, mais rapidement aussi au Canada, qui a été reprise notamment par la Commission Coulombe au Canada, c'était le concept, l'idée d'aménagement écosystémique, qui voulait concilier différents usages de la forêt. Je dirais davantage l'environnement forestier ou la nature, si vous voulez, avec les demandes ou les besoins des groupes sociaux, des collectivités locales et régionales, etc. Donc, il y a autour de la forêt différentes manières de prendre la chose. Gouvernance, participation ou les idées qui circulent, que les uns proposent, qui viennent souvent d'ailleurs des communautés scientifiques, mais souvent reprises par les groupes sociaux environnementaux qui disent « Ah oui, ça c'est une bonne idée, on va faire valoir cette idée-là, on va la faire avancer ». Au sein des politiques publiques, par exemple. Vous parlez de gouvernance et vous consacrez d'ailleurs un chapitre aussi à la gouvernance dans votre livre. Donc, gouvernance, l'organisation des sociétés humaines pour résoudre localement et mondialement des problèmes environnementaux. Et là, on se demande s'il n'y a pas une ambiguïté entre le rôle de l'action locale, mais en même temps, le besoin d'une coordination mondiale parce que les problèmes environnementaux touchent, oui, la population locale, mais ça touche aussi ces transfrontaliers, finalement. Donc, c'est comme s'il y avait un petit peu une ambiguïté. On ne sait pas trop si on doit les prendre localement, mondialement. Il faut que le tout s'harmonise. Je pense que le tout local en environnement n'a pas de sens. Ça a peut-être du sens pour le commerce, mais ça n'a pas de sens pour l'environnement. Parce que beaucoup des problèmes ne sont pas uniquement locaux, sont aussi locaux, mais sont très mondiaux, planétaires. Et tout le développement depuis une vingtaine, trentaine d'années, vous avez dû lire le chapitre là-dessus, des sciences du système Terre ou des sciences des systèmes Terre montre bien que c'est un tout et qu'il y a beaucoup d'interactions et qu'un problème qui apparaît ici peut apparaître aussi ailleurs, les changements climatiques étant le plus évident. Alors, oui, c'est intéressant d'ailleurs de voir que ce n'est pas localement dont on a pris conscience des changements climatiques, c'est plus globalement. Grâce en particulier à deux acteurs, les communautés scientifiques, bien sûr, les institutions internationales, puis j'ajouterais en troisième lieu aussi les groupes écologistes, les groupes environnementaux qui sont faits un peu le porte-parole des connaissances vulgarisées, diffusées sur les changements climatiques. Un autre cas que j'examine, c'est celui de la biodiversité, où là, c'est intéressant, c'est à la fois localement et globalement que le problème s'est posé, et qu'on essaie de travailler aux deux niveaux. Il y a deux grandes institutions qui font la synthèse des connaissances en matière d'environnement climatique et en matière d'environnement biodiversité, si je peux dire, mais ces deux institutions internationales fonctionnent assez différemment. Le GIEC s'occupe des changements climatiques, est une institution principalement savante et scientifique, tournée vers les décideurs publics internationaux. L'autre plateforme, qui est une plateforme IBES, qui s'occupe de la biodiversité, elle est beaucoup plus sensible à la contribution des collectivités et des communautés locales. Ah oui. À leurs programmes et de recherche et de diffusion des connaissances et d'influence sur les décideurs publics et privés. Donc, il ne faut pas opposer toujours local. Il y a des cas locaux, patents qui ne restent que locaux. La pollution d'une rivière, par exemple, est très souvent une question locale qui doit rester locale et qui reste effectivement locale. Le Québec, pour l'eau, a mis sur place des organismes de bassin versant qui sont à la fois locaux et régionaux. Il y a une coordination qui se fait, mais l'action est principalement locale. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert aux idées qui viennent d'ailleurs, mais l'action est, et la coordination entre acteurs est principalement locale. Oui, c'est ça. Il y a une prise de conscience pour un problème qui se produit là localement et on cherche une solution locale. Mais juste. Dans votre livre… Des fois, les idées viennent d'ailleurs. Oui, exactement. La gestion intégrée de l'eau, des ressources en eau, par exemple. Ouais. C'est une idée dont on a fait la promotion beaucoup au niveau international, que les groupes locaux s'approprient à un moment donné. Ouais. Et voient la manière de les mettre en œuvre. Ah oui, exactement. Donc, dans votre livre, vous dressez aussi un historique de cette prise de conscience, ces problèmes environnementaux, de la gestion, du développement durable. Vous avez parlé du GIEC. La notion aussi du concept d'anthropocène aussi, qui a fait surface, qui commence à être connu aussi. Est-ce qu'on est dans la prise de conscience seulement ou est-ce qu'on entre dans l'action et que cette action porte fruit? Parce que votre livre, après tout, le sous-titre, c'est « Des problèmes aux actions ». Oui, oui. Donc, est-ce qu'on arrive dans l'action et que ces actions portent fruit? Il fallait commencer par connaissance et conscience. Dans le livre, je le dis, il faut toujours commencer par connaissance. Quand on face à un problème d'environnement, parce que c'est un domaine spécialisé, ensuite conscience. Est-ce que ça a un impact sur nous? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça va durer à long terme, etc.? Et ensuite, on cherche des solutions. Je pense qu'il y a une espèce de un continuum entre les trois. Connaissance, on pourrait ajouter représentation aussi, parce qu'il y a des représentations de l'environnement qui ne sont pas uniquement fondées sur des connaissances scientifiques. Ensuite, conscience et ensuite action. Et quand on observe les mouvements sociaux en environnement, le mouvement environnemental à sa longue durée, on cherche des solutions. Il faut faire prendre conscience. On s'adresse très souvent à l'ensemble du public en disant « Faites pression, vous aussi, mobilisez-vous, vous aussi, changez vos comportements, vous aussi, pour qu'on fasse face à des problèmes d'environnement. » Et dans le cas des changements climatiques, c'est assez évident, on s'adresse au pouvoir public, en grande partie, mais on demande aussi aux gens de faire attention à ce qu'ils consomment, à l'utilisation de l'auto, etc. etc. Mm-hmm. Dans ce livre, en fait, qui fait quand même 400 pages, vous abordez les enjeux sociaux de l'environnement sous plusieurs fronts. Là, on a à peine esquissé tout le contenu de ce livre-là. C'est la réflexion ou la compilation de nombreuses années de recherche, j'imagine. Oui, oui, les deux, en fait. Il fallait partir d'une compilation, il fallait partir du matériel, de la matière que j'avais accumulée moi-même, soit à travers mes enseignements, soit à travers la recherche, et de mettre à jour et de faire avancer aussi la réflexion là-dessus. Est-ce qu'il y avait moyen de faire des connexions? Il y a 5 grandes approches théoriques. Je m'étais donné comme mission de les faire dialoguer entre elles, en disant que ce n'est pas 5 approches théoriques indépendantes les unes des autres. Il y a des points de jonction, il y a des points d'interaction. Et autour de conflits ou de problèmes réels, c'est là qu'on peut voir que controverse écologique, ça va avec écologie politique, modernisation écologique, ça peut venir plus tard, etc. Donc, c'est un peu, la réflexion est un peu de ce côté-là. Les interactions et, je dirais, le point de vue sociologique, je suis sociologue, donc je faisais valoir le point de vue sociologique sur la question environnementale. De telle sorte que ce n'est pas tellement les problèmes qui m'intéressent, mais les réactions à l'égard des problèmes et les actions pour essayer de les régler. Ouais, la réaction, la recherche de solutions pour trouver des solutions. En tout cas, c'est tout ça nous montre, tout ce livre-là nous montre combien la situation est complexe à résoudre. En tout cas, c'est juste. Pour vous donner un exemple, la tarification du carbone, on en parle en matière d'environnement au moins depuis les années 80. Ouais. Que les économistes en avaient parlé avant. Puis finalement, ce n'est que tout récemment qu'il y a une tarification universelle au Canada sur le carbone. Ah oui, c'est ça. Donc, les problèmes environnementaux sont complexes en eux-mêmes parce que, bon, ça touche l'eau, la forêt, la biodiversité, le climat. C'est tout déjà des problèmes, des systèmes complexes. Quand on rajoute l'humain, on dirait que c'est encore plus complexe. Vraiment l'impression qu'on a en lisant ce livre. Alors, merci beaucoup, Monsieur Guay, d'être venu au micro de Futur Simple pour nous donner un avant-goût de ces 400 pages de ce livre, dont je rappelle le titre, Les enjeux sociaux de l'environnement, des problèmes aux actions, et c'est paru aux presses de l'Université Laval. Merci beaucoup, Monsieur Guay. Merci beaucoup, Madame. Merci d'avoir reçu. Nous étions en compagnie de Louis Guay, professeur au département de sociologie à l'Université Laval. Pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine et il sera question de communication quantique. Mais pour le moment, je vous laisse aller à l'écoute de CKRL 89.1. Les années auront passé, on trouvera sous terre nos deux squelettes enlacés pour dire à l'univers combien Quasimodo aimait Esmeralda la Zingara, lui que Dieu avait fait si laid pour l'aider à porter sa croix, pour l'aider à porter sa croix. Manger mon corps, buvez mon sang, vautour de mon faucon, que la mort au-delà du temps unisse nos deux noms. Laissez mon âme s'envoler loin des misères de la terre, laissez mon amour se mêler à la lumière de l'univers, à la lumière de l'univers. Je te Moon!